Yesu Kristo. Tunasalimia kila ndugu na kila dada mjina ya Bwana Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs. Tunafaidia tena direct ou indifférent. Je vous salimia bandugu na badada bantufuata mjia mtandao. Sans plus tarder, nous inclinons nos têtes. Bila ugawia tutainamisha vichwa vyetu. Baba mfalme na mwokozi Yesu Kristo. Père Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Tunakupikia tena asante. Nous te remercions encore. Kwa kutupa tena bahati ya kuweza kusanyika. Pour avoir nous accordé la chance de nous réunir. Atukuya pa samu réunion ya politique pa. Nous ne sommes pas venus ici comme dans une réunion de politiciens. Atukuye mu réunion ya kikabila. Nous ne sommes pas venus dans une réunion tribale. Mais tunakuya ni mjina Bwana Yesu Kristo. Mais nous sommes venus au nom du Seigneur Jésus Christ. Na wenjo arifulaka kusema. C'est toi qui nous as promis en disant. Fashi bawira au bata. Là où deux ou trois se réunis, kufatana na kweli à na mon nom, yako, selon la vérité ton esprit, pale. Toi tu seras au milieu d'eux. Na présence yako, Seigneur, kitu kia mafatu kuna ajwa. Ta présence est le très nécessaire que nous avons. Chiesa bantu tunonanaka shikote mu masite. En tant qu'humain, nous nous voyons chaque fois à la cité. Présence yangu mu maisha dada au yanduku haitafanya kitu. Ma présence dans la vie d'un frère ou d'une sœur ne fera rien. Mais présence ya Mungu wa milele. Mais la présence de toi Dieu éternel. Unakalaka na transmettre bile bantu abaweza ku transmettre. Toi tu transmets ce que les hommes ne peuvent pas. Ataba autorité ya mu dunia au mabezi ku transmettre kile wana transmettre. Même les autorités de ce monde peuvent pas transmettre ce que toi tu transmets. Même ba chef militaire bana na kile banaweza ku transmettre. Même les chefs militaires n'ont rien à nous transmettre. Mais wewe kuna ma mais toi tu as des pouvoirs qui peut faire à ce qu'un pécheur devient chrétien, un tribaliste devient saint, un voleur est transformé, les malades sont guéris. Selon qu'il est écrit, imeandikwa, que tu es le Dieu qui communique la vie au monde. Ya kwamba uku Mungu ule kunaleta buzima kubafu. Uifanye tena Seigneur. Fais-le encore Seigneur. Sabantu uturumie. Comme des humains nous te demandons pardon. Atupende maisha fulani. Nous ne voulons pas une certaine vie. Tabia fulani. Un certain comportement. Zambi fulani. Un certain péché. Seigneur, ipate kutuampeche bénédiction koleo. Qui ne puisse pas t'empêcher ta bénédiction aujourd'hui. Rumia dada, rumia ndugu. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Sabantu tu connais de quoi nous sommes formés. On désime, on a joué à mnaka nizona tungwa. Nous branchons de différentes manières. Au nom du Seigneur Jésus Christ. On doche ile buchafu yote mbele ya uso yako. Ote toute cette huile devant toi. Naichika kukaribia kila dada, kila ndugu. Accepte de t'approcher de chaque frère, chaque soeur. Ubebe hii renyo wepeke mkontroli yako, Seigneur. Puisse y contrôler cette renyo toi-même. Shikuye mie kusema. Je ne s'en sois pas moi qui parle. Weya na yo akona upana kila moyo. Toi tu connais son de la profondeur. Qui connaît la vie de chaque frère et chaque soeur, a faiblesse et la maladie qu'a chacun de nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, toi seul puisses-tu descendre, parle pour la guérison, parle pour le salut, parle pour le changement, faites des choses étonnantes. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons Marc, nous nous levons Marc chapitre 4. Tutasimama na tutachugua Marco sura ya ine. Marc chapitre 4. Marco sura ya ine. Verset 31. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bakashikwa na boka mkubwa. Et ils se dirent les uns aux autres. Na bakambiana bamoja kwa vengine. Quel est donc celui-ci? Uyu basi ni mutu gani uyu? À qui obéissent même le vent. Ula tampepe kuna muti. Et la mer. Pamoja na bahari. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana Mungu abariki sehemu ya andiko. Nous souhaitons à chacun de vous de riches bénédictions de la part du Seigneur. Tunatakia kila mmoja wenu mabaraka ya mingi kwa upande wa Bwana. Hier, malgré qu'il y avait la pluie, jana hata vile kulikuwa mvula, Nous avons eu quand même une trentaine de minutes pour pouvoir parler. Et dans l'introduction, nous avions mentionné quelque chose. Nous servons d'une citation, d'une déclaration que le Saint-Esprit par Frère Branham avait parlé en son temps. J'aimerais relire la petite citation. C'est dans la prédication « Que pensez-vous de Christ ?» Que pensez-vous de Christ du 3 mars 1957 ? Citation 9. Vers le milieu. Frère Branham disait ceci en son temps. Ce court passage des Écritures de ce soir amènera les gens à se décider. Iya andiko mufupi ya neno la Mungu mangaribi ya leo itasukuma bantu bapate kuchukua mipango. Quel est le court passage qui va amener chaque frère et chaque sœur à se décider? Ni andiko kani mufupi ile itasukuma kila ndugu na kila dada apate kuchukua mipango. C'est la réponse à la question quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Ni jibu kuiulizo banauliza huyu basi ni mtu gani ule hata mpepo na bahari iko na muti. Maintenant, sasa votre décision sur la question mpango, que pose cette écriture, mipango yako yulu ya iulizo hii andiko inauliza, scellera votre destinée éternelle. Yo njo itaonesha kule utapitisha milele yako. Amen. Amen. La réponse que chaque frère et chaque sœur donnera à cette question déterminera votre comportement dans les jours à venir. C'est ainsi qu'en évoluant, nous avions illustré cela en prenant un petit exemple très simple à la portée de tous. Une quelconque autorité passant devant ta maison, soit tu es en moto, soit tu es dans ta voiture, ne le connaissant pas, tu lui as éclaboussé de l'eau. Et il s'arrête pour t'interpeller. Naye anasimama juu ya kukuuliza. Tu ne le connais pas. Oui, haumjui. Et la simple des choses, c'est peut-être de présenter des excuses. Mambo tu mfupi, ni yawe kulomba tu buluma. Mais au lieu de cela, alakine, we pari yawe kulomba buluma, tu t'emportes. Unashirika. Uku nani? Qui es-tu toi? Anakonesha tu gentiment kusema angarevu nenyalavisha mangua mkupita kwako au mkumwanga mai kwako. Il t'interpelle avec gentillesse en disant, tu vois, en passant tu m'as éclaboussé. Anakwambia seme, comment tu peux faire ça? Dieu a nini unafanya hivi? Woko namonesha seme binafa nini? Mais toi tu lui dis qu'est-ce que ça fait? Anakwambia c'est ce qu'on est une famille mi ulo kuna jibu. Est-ce que tu me connais? Est-ce que c'est toi qui nourris tout le monde à Kambo? Ukunani? Qui es-tu alors? Unatoka kumbingu tukongope? Viens-tu du ciel pour que te craigne? Comment les gens parlent légèrement la cité? Unaona namna kanibatu ba mukomponi ba semaka? Quelqu'un d'autre sur ici qui connaît bien la personne? Sasa mtu mwingine anatokelea mwenye kujua ule mtu ule unaongea naye? Itetira kote. Ana ukokota pembeni. Te dit, tu connais à qui tu as affaire? Eti, unamujua ule mwenye unajibu vile? Qui est-il? Donc toi, ton gope Félix, ton mon gope nae. Qu'on craigne Félix au même titre que lui? Alors c'est lui le procureur de notre parquet. Ou soit c'est lui le CP de l'année. Voilà, yenjo CP wa année. Ou c'est celui laté. Voilà, yenjo administrateur wa territoire. Dès lors que tu on te fait comprendre. Wakati ile wanakujulisha. Et tu comprends à qui tu as affaire. Na unelewa ni mtu gani ule unaye. un honnête homme ou un honnête femme, na wazi mtu tu wakunyoloka, ton comportement namna yako ya kutenda itabadilika. Atone kalaka kichu nguvu sana, même si tu as toujours été têtu, dès lors que tu comprends qui tu as fait, wakati unaelewa sema ni mtu kani ule kunaye, et de quoi il est capable, na yako na uwezo kani, face à tes attitudes insolentes ou déplacées, kufuatana na majibu yako ya kibengo ile, tu vas réajuster tes déclarations. Ah, utatengeneza misemo yako na kulomba kuluma. Tu vas changer de comportement. Utabadilisha namna ya kujongoza. Et sincèrement parlant, na uwaki tu, pour éviter des ennuis, jua kuepuka matatizo, tu iras présenter ton mea culpa. Utenda uwe mwenyewe mulombe buluma. Bwana mbariki. Kile Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que prenant la petite illustration. Yo kwa maana vale tulichukua ile mfano kidogo. Prends la menace spirituellement. Sasa uibebe uiweke mkiro. Quand tu connais qui tu as affaire dans le christianisme. Wakati ile unayua ni mtu kani ule uko naye mambo ya Kikristo. Ton comportement changera. Namna yako ya kutenda tabadilika. Ta façon de venir à l'église changera. Namna yawe kuyo kanisa tabadilika. Tes absences non justifiées s'arrêteront. Ma kulofa yako bila sababu utaishimanisha. Ta légèreté dans le christianisme s'arrêtera. Ubeba bintu na michezo mukikiko utabiacha. Ta négligence dans les choses de Dieu s'arrêtera. Usula bintu ya Mungu utabiacha. Ton comportement, sœur, vis-à-vis de ton mari changera. Tabia yako we dada mbele ya mwana yako itabadilika. Ton comportement, frère, vis-à-vis de la sœur changera. Tabia yako we nduku mbele ya dada utaibadilisha. Ton comportement vis-à-vis de nos belles familles changeront. Matabia yetu mbele ya bako yetu itabadilika. Même vis-à-vis de nos voisins. Ata mbele ya bajirani wetu banamuke na banaume. Non voyant. Mini, nos comportements changeront. Matabia yetu itabadilika. Parce que tu comprendras. Juu pale utaelewa. La responsabilité que tu portes. Bujito bule okunabo. Du nom de Jésus. Bwajina ya Yesu. Amen. Amina. C'est ainsi que nous disions hier. Juu kwa maana tulikuwa nasema jana. Na kuweka mkazo. Que ce que nous avons comme christianisme aujourd'hui. Ya kwamba kile tuku nakyo leo sawa Kikristo. La majorité des frères et des sœurs ba dada mingi na banduku mingi n'ont jamais compris qui est Jésus-Christ. Abaya elewa kweli kweli Yesu Kristo huyu ni nani. C'est ainsi que vous remarquez. Joko maana mutaona. Les gens viennent à volonté même. Bena unakuya vile banapenda. Frère, nduku, regardez même nos attitudes vis-à-vis de ça, c'est la simple des choses vis-à-vis de nos autorités. Tazameni hata namna yetu ya kujiongoza mbele ya mabenye mamlaka. Je suis allé très loin vis-à-vis de nos médecins. Ah, hata mbele ya banganga betu. Quand quelqu'un reconnaît le médecin qu'il avait tiré d'une certaine maladie. Wakati mtu anajua munganga ule alimtosha kwa magonjwa fulani. Même quand ils sont en route, le médecin ne l'a pas perçu. Hata kama beko mbalabala munganga ule ashikumuone. Il s'efforcera néanmoins de lui présenter des salutations. Atajikaza apate paka kumsalimia. Pourquoi? Juu ya nini? En reconnaissance du bon geste que le médecin avait fait poser à son égard. Juu ya shukrani ile bitendo mzuri munganga alimtendeaka. En reconnaissance même de ce qu'une autorité quelconque avait manifesté à son égard. Maintenant, à combien plus forte raison vis-à-vis de la plus grande autorité qui puisse exister dans ce monde. Bele ya mwenye mamlaka wa yulu sana ile aina kwa hapa dunia. À savoir le Seigneur Jésus. Maana yake Bwana Yesu Kristo. Notre conduite devrait manifester un grand respect, une grande estime vis-à-vis des choses de Dieu. Namuna yetu ya kujiongoza ilipashi kuonesha heshima mkubwa sana mbele ya Mungu. Une révérence, frère. Heshima mkubwa nduku. Qui ne demanderait pas qu'on vienne te rappeler qu'il y a culte. Ile aba yesi kulomba ba kukumbusha sema leo kuku mkusaniko. Une grande révérence. Heshima moya. Qui ne demanderait pas qu'on vienne te rappeler qu'il y a réunion de prière. Ile italomba ba kukumbusha sema leo kuku maombi. Une grande révérence. Heshima mkubwa. Qui ne demanderait pas qu'on vienne t'exhorter pour te dire c'est ta soeur, c'est ton frère. Il a ilombe makopa kusubutisha sema huyu ni nduku yako huyu ni dada yako. Voilà la maladie du christianisme aujourd'hui. Ndio magonjwa ya Kikristo leo. Beaucoup ba mingi ne réalise pas qui ils ont affaire dans la foi. Awatambue muimani ni nani ule beko naye. Il voit ngoi. Beko naona ngoi. Il voit les frères et les sœurs. Beko naona banduku na badada. Il s'arrête là-bas. Manashimamia paka pale. Mais Jésus-Christ, alakini Yesu Kristo personnellement, kwa upeke, beaucoup ne le voient pas. Ba mingi abamone. Beaucoup ne le discernent pas. Ba mingi abamtambue. Et beaucoup ne comprennent pas qui est Jésus-Christ. Na ba mingi abatambue Yesu Kristo ni nani. Beaucoup vivent dans la récitation. Il faut que du corbeau et le renard. Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Le message, c'est la vérité. Ça, ce n'est qu'une récitation qui n'est pas différente de ce qu'on faisait dans le corbeau et le renard. Mais quand quelqu'un a été mis en face du Seigneur Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ a parlé à son cœur. Et qu'il y a eu une intimité entre la personne et Christ. C'est deux choses différentes. Ce ne sera plus le formalisme auquel nous avons. Ce n'est pas la légèreté avec laquelle nous vivons. Amen. Amen. C'est différent. Binachana. Frère. Nduku. Le Christ. Christo. Le Dieu. Mungu. Le Sauveur. Mokozi. Le Seigneur. Nabwana. A qui nous avons affaire. Ule mwenye tuku naye mambo. Même ses propres ennemis. Hata baadui yake. Savez à qui ils ont affaire. Balijua simu huyu ni muntu kani. Amen. Amina. Même ses propres ennemis, ses propres adversaires, ont beaucoup du respect vis-à-vis du Seigneur. Prenons la Bible. Tuchugue Bible. Matthieu. Matayo. Mon frère, ma soeur, Dukuyangu na dada yangu, n'est pas bien connaître qui est Jésus-Christ. Ukosa kujua mzuri Yesu Kristo ni nani? Vous marcherez, ne comprenant pas, soit c'est du tourisme que vous ferez dans le chrétien, dans la foi. C'est ainsi que vous constatez, les gens comptent beaucoup d'années. Ils ont fait le Kodim, ils se sont mariés dans le message, soi-disant, ou dans le tabernacle. Mais observez la personne là. Au jour d'aujourd'hui, quel fruit, quelles œuvres, ni matendo kani, anana kitu, sifuri, du néant, akuna kitu, du néant. Quel progrès spirituel? Vous trouvez un homme, vous trouvez un frère ou une soeur rempli de raisonnement et non pas de Christ. Rempli de traditions d'hommes. C'est tout. Dépenser uniquement selon le monde. Selon les traditions mondaines ici, c'est tout. Quand il veut poser un acte, aucune référence à l'écriture. Quand il veut parler, quand il veut agir, quand il veut poser un acte, aucune référence biblique. Sans tenir compte de ce que Dieu dit. Bila kuangalia kukile Mungu kuna sema. Un homme comme ça. Mutu waramunai. Mwanamuke wana mwanaume waramunai. Quand est-ce qu'elle a été mise en face du Seigneur Jésus? Ni wakati ile kani barikutana na Bwana Yesu Kristo. Quand est-ce qu'il avait été en face du Seigneur Jésus? Ni wakati kani ile baribumbana uso kwa uso Bwana Yesu Kristo. C'est seulement une sensation. Ni tunda tu ya kuchemuka bule. C'est tout. Kunaisha. Seulement le fruit d'une sensation. Manake ni mutu tu anatokea kumachemuko bule. Na mimi na mini. Moi aussi je na crois. Mimi cha kwa mini message. Je crois aussi na mini au message. Frère. Je suis aussi na votre frère. Je suis aussi votre soeur. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Matthieu 8. Matayo sura ya kimnane. Nous prenons encore, nous commençons verset 28. Tuanzie mstari wa 28. Verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. unamnakusema kukwe mtu wa kupitia pa ile fazi unapita mwile njia si tu passer par cette route na bantu batisoko na kiso mwe eh les gens diront tu es vraiment sorcelé ou quoi unakotolo napitia mwile njia si tu commences le malheur en passant par là les gens te diront tu ne sais pas pourquoi tu es passé par là. Mais on va te tuer, ces gens sont très furieux. Pourquoi? Rempli de démons de Satan. Amen. Amina. Et voici. Et voici. Natazama. Il se criait. Y a-t-il entre nous et toi? Ninini katikati yako weye na sisi. Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Eti urukui hapa juu kutuangaisha mbele ya wakati? Mais boka mtu anapita kule ni kupika kuua. Mais pourtant lorsque quelqu'un passait par là, on le tuait. Tu qui perd qui font du mal aux gens. Namuna kanibale ba manisimu barikuwa na tenda bibaya bantu. Banaona tu bwana moya. Il mettait ni veste. Ashikuwa tana koti. Il parlait ni français ni anglais. Qui français wala kingereza. Qui n'avait pas de mokoto. Ashikuwa tana kilato kya mbili. Mais passant seulement. Anakini mukupita tu. Sandale au pied. Na mama sandale kumikulu. Qui n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Ashikuwa tana burembo ya kufuta angalisho yetu. Banaona mtu wa namna ile. Et tremble. Bo, vale vendamazimu, va tetemeka. Finir avant le temps. Unapenda kutuapiza mbele ya wakati. Mungu mumwili abumutu fils de Dieu. Dieu dans la chair humaine. On reconnu bo. Dieu créateur. Vendamazimu, va retambua sema ni Mungu mbaji na va tetemeka. Mais à toi. Sasa kwako wei. À toi ma soeur. Kwako wei dada. Non, non. Akuna. Jésus que toi tu sembles avoir rencontré. Yes, we ulo nazania sema kutanisha na nai. Ma demona ili mongopa. Mais toi quand tu agis. Sasa wewe wakati unatenda mafu mwenye kusula ni Yesu kanuor patana na c'est quel genre de Jésus avec qui tu t'es rencontré et qui t'a laissé dans cet état si bien bon c'est faux. Urukutana na kambofu taverna. Tu t'es rencontré avec les kambofu taverna. Urukutana na baubiri. Tu as rencontré les prédicateurs pas Jésus. Ça ce sont ses adversaires qui reconnaissent que c'est la plus haute autorité qui puisse exister dans ce monde. C'est lui le créateur. Lui peut dire un mot. Notre existence s'arrête. Mais comment toi tu ne sais pas discerner ça? Mais quand on pose la question, tu avais fait le codine? Tu es passé dans l'assemblée des grands. On a pita mumukutani ko yabatu makuba. On t'a marié vierge. Barko abikira. Tu as beaucoup de. Quand on pose la question. Bakuliza ulizo hapa. Tu as cru même avant certains diacres que nous avons. Uriamini mbele hata ya bashemashi wengine bale tukunabo hapa. C'est très grave. Ni hatari. C'est très grave. Ni hatari. Les démons que tu veux, ces deux démoniaques là, si tu commences le mal à l'erreur en passant par là, si tu sors sain et sauf, tu es vraiment très rapide en courant. Et tu es fort. Mais go! Mais eux, Yesu, d'après la vision que Frère Branham avait eu du Seigneur Jésus, un monsieur maigre là, avec des épaules voûtées, si tu les regardes, tu risques de les pousser. Comment expliquer qu'un tel homme qui n'était même pas robuste? Non, il était comme caché. Non, à part non. Comment ces démons-là, dans ces deux fous-là, ma démon en Dani avait les démons qui disent bah oui, en tremblant, sachant que lui, peut arrêter notre existence maintenant. Mais ouais, mais toi, où l'es-tu? C'est Jésus c'est celui avec qui tu t'es rencontré. Les mêmes démons qui étaient dans ces démoniaques, ce sont qui sont encore à toi. Mais à ton tour, ces démons sont restés sans trembler. C'est la photocopie ou c'est le véritable Dieu? Amen. Amen. Sérieux. Ne voyez-vous pas que c'est trop sérieux? Qui reconnaît que autrefois il était démoniaque? Nanu la natambua sema zamani alikuwa kana mademona. Moi je reconnais que mimi natambua sema zamani alikuwa na mapepo mchafu. Mais au contact du même Seigneur. Kisha kutanishana na huyo bwana moya moya. Non démon. Mademona yetu. Que nous avions. Ile tulikuwa kana yo. Ni même démon qu'avait ces deux messieurs là. Ni mademona moya moya na ile alikuwa na benda mazimu. Aujourd'hui, il rencontre le même Jésus. Il faut que tu te poses des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Frère, Duku, prenez acte 19. Mchugwe matendo wa mitume 19. Il faut qu'on se dise ouvertement. Bientôt, Jésus-Christ va revenir. Ce n'est pas question seulement de manger la Sainte-Cène. C'est juste la témérité dans cet âge de l'Odyssée. J'ai mangé la Sainte-Cène. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça t'a donné le Saint-Esprit? Est-ce que ça t'a délivré? Ceux qui mangent la Sainte-Cène, ce sont déjà en qui les démons sont sortis. Mais toi, tu l'as mangé malgré cela. Et tu voulais faire croire aux gens que tu es chrétien ou que tu es chrétien. On a peine qu'on est chavant, toi, c'est mon Christ, moi, je suis mon homme. Que le Seigneur vous bénisse. Acte 19, verset 15. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Yesu, mina mujua. Amen. Amina. Je connais Jésus. Yesu, mina mujua. C'est Satan qui parle comme ça. Ni Satan ou la quoi c'est maïs. Je connais bien Jésus. Yesu abumbane na muntu. Que Jésus se rencontre avec une personne. Satan ni bakenda nya ule muntu. Et que moi Satan je puisse perdre ça à cette personne. Frère, tosha mkono ba ikalage mkanisa vile. Frère, enlève ta main la joue. Satan ni moya moya oui. Le même Satan ici. Il a déclaré ouvertement. Ari sema wazi wazi. Que je connais Jésus. Ya kwamba Yesu mimi namjua. Je sais ce qu'il est. Nina yua kile eko. Quand lui rencontre un homme ou une femme, wakati yake kutana na mwanaume wala mwanamke, mimi ndani ya ule mwanamke, moi étant dans cette femme, comment puis-je encore rester là-bas? Satan aujourd'hui peut venir nous déclarer que vous êtes menteur, puisque moi je suis dans votre cœur. Celui qui croit en Jésus-Christ, moi je déménage, je ne peux plus rester dans cette personne, homme ou femme. Maintenant, tes répliques que tu donnes à ton mari là. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et tu c'est l'esprit malin. Maintenant, comment t'es-tu rencontré avec Dieu? Il faut te poser des questions. Tu viens à la chorale. Ou interprète à Vassour. Ou tafsili wa babubu. Ma caméra n'en parlons même pas. La caméra où l'aigus a tout yué. Comment vous les jouez. Mais des répliques. Ça vient en chaîne. Ce sont des démons. Ni ma démon, mais les démons disent que nous connaissons Jésus. Ya kwamba Yesu, tunamjua. Et toi, sasa weye, tu dis que tu as rencontré Jésus. Comment Yesu. Ces démons-là demeurent en toi. Inaendelea kubaki et te poussent même na à prendre la Sainte-Cène. Kula na meza ya Bwana. Ne vois-tu pas que c'est la témérité que tu as? Alors, de ta coutume, je connais Jésus. Mina mujua Yesu. C'est-à-dire Satan, manake Shetani, quoi conscient, ni mwenye kujua, que non, apana, mucheza na muntu mwingine apana Yesu. Mais jouer à quelqu'un d'autre, pas Jésus-Christ. S'il dit un mot, kama akisema kitu, même moi, atami mwenyewe. Je l'esprise. Quand quelqu'un rencontre Jésus, wakati mtu akibumbana na Yesu, Jésus ordonne sa délivrance. Yesu kuna mungu kukombolewa kwake. Qui est Satan pour résister? Ni Shetani ganula atashindana naye. Et comment Satan demeure dans des gens? Namna kani Shetani anaendelea kubakia mu bantu? Job chapitre 2. Yobu sura yake ya pili. Frère, mina mini message. Frère, moi aussi je crois au message. Les tonneries sont dans les faussetés. Ah, c'est de la récitation aussi, tu ne sais pas. Nous sommes dans l'âge où la connaissance augmentera. Il y avait eu une réunion un jour, Job chapitre 1. Job sura ya kwanza, kulikuwa mkusaniko siku moja. Le Seigneur a convoqué une réunion aussi. Bwana aliita mkusaniko. Verset 6. Mstari ya 6. Le fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Bana ya Mungu bakakuwa siku moja kukusanika mbele ya Mungu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Shetani naye akakuja katikati yao. Et l'Éternel dit à Satan. Na wamilela akamuuliza Shetani. Unatoka wapi? D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu wamilele. Amina toka kuzunguluka pa dunia. Je viens de parcourir de la surface de la terre. L'Éternel dit. Wamilele akasema na Shetani. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et uliona kwa mtumishi wangu Yobu? Sasa wewe ujiulize bataweka hapa jina yako. Toi, il faut que tu te poses la question. On va remplacer ton nom ici. Dieu peut dire ça de toi. Et si Mungu anaweza kushuhudia. Et si Dieu ne peut pas dire de toi. Sasa kama Mungu hawezi kushuhudia hivi. Pourquoi es-tu venu prendre la sainte? Sasa juu ya nini ulikuwa kula meza ya Bwana? Pourquoi es-tu à la chorale ou aux interprètes ou aux caméras et ainsi de suite? Kumba bakwaya na bakutafsiri. Pourquoi es-tu dans cette église? Juu ya nini uko mwenye kanisa? Si Dieu ne peut pas dire ça. Kama Mungu hawezi kushuhudia. Juu ya kanisa. C'est pour cela que le Seigneur appelle et connaît. Ni avale Bwana iko naita na anabaju. Et toi qui es-tu? Sasa wewe huku nani? Le Seigneur peut-il dire ça du haut des cieux, du dessus pour toi? Et Bwana Mungu anaweza peut-il témoigner comme ça? Toka mbingu. Peut-il demander à Satan? Anaweza kumuliza Shetani? Leo ulipitia mkambo. Aujourd'hui tu es passé par Kambo. Unaona ko frère fulani na sœur. As-tu vu tel frère et telle sœur? Mirebaone. Oui, je les ai vus. Sasa unaona vile bankwa. Asa ah, comment tu sais comment il était? Si aba ba mu cinquième avenue. N'est-ce pas, ce sont ceux-là qui sont sur cinquième avenue. Angola, attendez. Dis, mon père flash, il est sur bamba, cinquième avenue. Donne-moi le flash là. Il y a où les frères, là où les sœurs. De cinquième avenue, pour cette sœur ou ces frères. C'est qui m'a touché. Écoute comment ils insultent. Job a frère, n'a pas sœur. Ce sont ces frères et sœurs que tu appelles ici. Nouvelle naissance, c'est une chaîne à Batamba Pierre ou bien. La nouvelle naissance est-elle différente à celle de Pierre et des gens ou quoi? Que Dieu dise. Attendez, je vais lui montrer ce décabam. Satan dit. Kabamba nani? Kabamba qui? Demoni pe flash yake. Donne-moi un peu son flash. Flash. Mettez-moi son la flash. Vidéo. Et sa vidéo. Bekone ka flash ici. On met les disques comme ça. Les actions secrètes de la sœur telle. Matendo ya musiri ya dada fulani. Les actions secrètes du frère tel. Matendo ya siri ya nduku fulani. Anasema ce n'est pas possible. Ndio haiwezekani. L'œuvre de Golgotha n'a pas abouti ou quoi? Kazi ya msalaba haikutendeke au hapana. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Hakuna mtu saa yeye pa dunia mzima. C'est un homme intègre et droit. Ni mtu wa unyofu na wa kumwogopa. Craignant Dieu et se détournant du mal. Wa kumwogopa Mungu na kukimbia mabaya. Et Satan répondit. Shetani akajibu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Eti ni mnamo na tupa kevi njo pale Job. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Eti haukumkinge yeye na nyumba yake na vyake vyote? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Uribariki kazi ya mikono yake. Et ses troupeaux couvrent le pays. Na mifuko yake binayala pa dunia. Mais. Alakini. Étant ta main. Nyolosha mikono yake. Touche à tout ce qui lui appartient. Uguse pa vyake vyote. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nikuna hakikisho asema atakulani paka pali. Satan. Shetani. Dit à Dieu. Anamwambia Mungu. Que pour que à chombe, pour qu'il tombe à faillite, bakufwe, que ses enfants meurent, que tout ce qu'il a là soit détérioré, il faut que toi, Dieu, tu puisses le permettre. Aucun malheur, ole, atamuya, il est qu'on a si l'éternel n'accorde. Donc Satan reconnaît ça. Aucun malheur ne peut atteindre tel frère, telle soeur, telle famille. Si cela n'a été ordonné du ciel. Kama aina yenye kuruhusiwa na mbingu. Amen. Amina. Comment ça doit être ordonné? David est aruhusiwa. Satan lui connaît qui ordonne. Shetani anayua ni nani ule kuna ruhusu. Mena pour que Dieu ordonne. Dieu a Mungu aruhusu. Dieu ordonne aussi. Mungu weko na ruhusu tena. A des employés. Kwa ba jumbe batume. Dans un autre angle. Mungambo ingine. Satan c'est son employé. Shetani ni mutume wake wala mjumbe wake. Qu'est-ce que Dieu dit? Na Mungu weko nasema. L'Éternel dit à Satan. Wa milela kamwambia Shetani. Voici. Tazama. Tout ce qui lui appartient. Vyote byake. Je te le dis. Mina kupa abio. En d'autres termes, va détruire tout ce qui lui appartient. Satan descend. Satan en a chou. Avec un mandat divin. Na quasi le monde n'aime pas. Ça, ouais, a ouvri pas que dîme. Mais toi, tu ne payes pas la dîme. Quand on ordonnera à Satan. Wakati watamuru su Satan ya kuli. Wena wena nikulo fa kuvacha paka kutumika. Toi, tu ne fais que t'absenter, rester, travailler pour avoir l'argent. Tu vois là où la réunion se tient? Unaona kule mkusaniko unafanyika? Unaona. Vois-tu? Et qui sait ni nani si demain ça devait être ton cas sur la table. Kama kesho, ni mambo yako, et Dieu dans son amour na Mungu mapendo yake, t'avertit aujourd'hui. Anakukalamusha leo. Mungu ni mubaya. Tu diras que Dieu est méchant, est mauvais? Non. Est-ce qu'on lui a seulement kumbingu setani anapelekaka maflashi ya kila siku hivi tunaisha? Sais-tu que au ciel le diable dépose les disques de tous les chacun? Qui le savent ainsi? Oui. Ndiyo. La Bible dit, Biblia unasema, l'accusateur des frères et des sœurs. Mustaki wa banduku na badada. Il y a un accusateur. Kuku mustaki. Il ne se passe pas un jour sans qu'il aille présenter les accusations. Akupitake siku hata moja bila yeye kwenda kutustaki. Juu ya nini? Il veut qu'on lui confie une mission à ton égard. Anapenda bampache kazi akwa akutendee wewe. Mena pesa, so et fungule biso mémoire. Et na tofungula macho, masikio na akili. Vous connaîtrez la vérité. Mutajua ukweli. Et la vérité vous épargnera des difficultés. Na ukweli tamiepusha na magumu, matatizo. Bwana mbariki. Yele Seigneur vous bénisse. Chaque jour ici. Kila siku hii. Yeye na kukontrole. Il est en train de t'enquêter. Qu'est-ce qu'il fait? Enregistrer. Qu'est-ce qu'il a dit? Enregistrer tout ce qu'il fait. Vous pensez comment enregistrer? Vous laissez ma flash. Amenez toute cette flash là. Allons. Bah tu pécages. Qu'on nous donne du travail. Parce que comment tu poignes. Si on ne fait pas ainsi. Ah bah tu pécages. On ne va pas nous commissionner. On cache tout. Notre commission. Ni que tu charges si tu vas pencher vivant. De nous charger d'aller les faire, les traiter, les faire du mal. Un évangile pareil, est-ce que vous allez l'entendre dans les dénominations? Jamais. Tu combattes les chevaliers. On combattons contre les sorciers. C'est comme ça. Tout ce qui lui appartient, biote biake, je t'autorise mina kurusu, à aller toucher tout. Wende uguse biote. Sasa, bevola tout ma chétane. On envoie Satan. Job alors vous t'as vendredi. Où ça fait un programme? Vendredi, tu as bien. Il y a quand t'as matin ou quand bien tout. Tu as pris le programme d'aller acheter si ce sont les choses de la pharmacie. Un frère te voit là. Tu ne vas pas à la prière. Je suis trop occupé. Mais on a déjà envoyé ça. Et toi, tu ne le sais pas. Kumbi, alors, si tu connais qui à qui tu as affaire. Comme on gejua, ni le reste on a de tes jours, ya ton yako, comportement changera. Na muna yako tu n'agiras pas à l'insensé. Tu seras très réservé et tu sana. Considéreras beaucoup ce que dit la parole. Uta beba na heshima sana. Tu auras beaucoup de respect vis-à-vis de saintes choses. Mbele ya hiki kitu. Bintu takatifu. Ah, mbele ya bintu takatifu. Mais comment ouyou? Mais si tu ne le sais pas. Que ouyou bikuna mina sema mina mini varini baptiste. Parce que toi qui dis que tu ne crois je suis baptisé. C'est Dieu que j'adore. Si tu le connais. Frère, ou t'as quoi te mec? Tu seras quelqu'un qui tremble. Tu vas contrôler na ma sentiment ya. Tu vas commencer à contrôler même tes sentiments. Tu vas contrôler na ma wazo ya. Tu vas contrôler même tes pensées. Kusema kwako, ton langage, kukupima na neno la tu vas commencer à les peser avec la parole. Si tu ne les connais pas, en qui tu crois? Tu seras un frère, un soeur, membre du Cambodge. Tu as quoi tu nduku na dada, membre wa Cambodge? Parlant comme tu veux. Tu sema vile unapenda. Agissant comme tu veux. Tu attends vile unapenda. Tu takata comme tu veux. Tu vas éclaircir la peau comme tu veux. Te prostituant comme tu veux. Ufanya bukaba vile unapenda. T'engageant dans la politique comme tu veux. Ujitoa mu siasa vile unapenda. Vivant comme tu veux. Utaishi vile unapenda. Mais si tu le connais. Alakini kama unamjua ule unaamini, matabia yako itabadilika, la parole est apportée, na neno inahubiriwa pour que nos comportements changent. Dieu a matendo yetu que notre christianisme change. Ki Kristo yetu kibadilike. Notre façon de venir à l'église change. Namna yetu ya kuja kanisa ibadilike. Tout doit changer. Biote binapashi ubadilika. Notre façon de voler les dîmes doit changer. Namna yetu ya kuiba machekumi itabadilika. Kwani ton tour peut venir. Wakati yako itafika. Ton jour peut venir. Siku yako itafika. Qui connaît le jour? Même moi, je ne le sais pas. Parce qu'il y a aussi un jour pour moi. Que devons-nous faire? Alignons-nous. Que le jour nous trouve dans l'intégrité, dans la crainte, dans l'obéissance et dans la repentance. De sorte que quand Satan viendra, il y a une écriture qui s'élèvera. Malédiction sans cause. Là, nabila sababu. Pas d'effet. Aina na matokeo. Et tu es couvert. Na unafunikwa. Sasa malédiction avec cause. Sasa lana na sababu. Il y aura effet. Kutakuwa matokeo. Quelles sont les causes? Ni matokeo kani mbaya. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mouchache, ibada yenu sabantu bengile. Fuyez la débauche. Mouchache, moucharati. Wokundani. Ne mentez pas les uns les autres. Mouchilongo fiada wamoja kwa bengile. Wokundani. Gravissime encore. Très grave. Et abibaya sana tena. Pourquoi nakura Saint-Sen? Tu mangeais la Saint-Sen? Mais mouro kosha wese. Uku mirlanda, apa mirlanda. Mais dans ton cœur, tu sais que là, j'avais trompé, là, j'avais menti, j'avais fait ceci et cela. Ah, tu as rempli ta coupe. Tu as rempli la coupe. Toi, tu es rikama kama mula Odyssée. Arrêtons la témérité à la Odyssée. Satan a compris. Shetani arielewa. Satan va même très loin. Anenda nambari Shetani. Il fait voir à Dieu. Anenda kumona Mungu. Normalement. Kwa kawaida. Muntu atanoza manyumba. Une personne, même s'il paye des maisons. Nyotoka. Des véhicules. Mashamba. Des champs. Bivuko. De bétail. An équipe nyumba. Il équipe bien sa maison. Mais santé tout qui mutenke. Mais dès que la santé bouge, il va tout vendre. Je lui dis, c'est vrai. Mungu anasema ndio. Attends, tu peux m'entendre? Ah, attends, laisse-moi essayer. Job chapitre 2. Job sura 2. Deuxième réunion. Mikusaniko ya pili. Verset 4. Msari ya 4. Et Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu Yehova. Peau sur peau. Ngozi kwa ngozi. Tout ce que possède un homme. Il va tout les vendre. Il va vendre Touche seulement à son corps. Un de papa frère Albert n'a pas mutombo sans solution. Il aille voir des médecins sans solution. Va lui dire, allez d'abord à Lumbashi. Arrivez à Lumbashi. Sans solution. Akuna jibu. Non, ce cas ici, au moins moins. À moins que tu ailles en Inde. Là, ils sauront. Regarde la femme, quelle dis-tu? La femme, bon. Bougie, on n'en paie rien. La santé, elle est plus que bougie, tout ce qu'on peut avoir. La santé, elle est plus que tout. Où est l'argent? Afin qu'on a encore des dettes là-bas. Qu'on vende alors la maison, Dieu nous en donnera d'autres. Pour construire, tu ne venais même pas à l'église. À la prière, tu ne venais pas. Au dîner des frères, tu ne venais même pas. Toujours busy. Toujours occupé. Mais maintenant, le chargé de mission a dit à Dieu, peau sur peau. Ngozi kwa ngozi. Qu'on l'affaiblit seulement dans son corps. Qu'on touche à ses reins. Et il va vendre tout ce qu'il a. C'est faux ou c'est la vérité? C'est la vérité. Nous avons nos frères. Bata opérer un moment. Est-ce qu'on peut opérer les reins ici chez nous au Congo? C'est impossible au Congo. La maison pour laquelle tu t'es beaucoup battu. Il y a $15,000. Et elle coûte $15,000. C'est ça, opération. Maintenant, l'opération. Na ubebe wa ule volontaire wa kukupa kona un rein. Que tu aies aussi un volontaire à t'offrir son rein. Vous tous deux et ton épouse, que vous puissiez aller à l'Inde, aller-retour, $25,000. La maison pour laquelle tu t'es beaucoup battu, c'est $15,000. On a eu juste $15,000. Cherchez à ajouter 10 000. Pasteur, moukoukou bureau. Pasteur, êtes-vous au bureau? Je viens vous pour que vous puissiez prier pour moi. C'est maintenant le temps que tu te souviens de Dieu. Envoyé spécial. Ah, Finissez d'abord avec cet envoyé spécial. Au lieu d'agir ainsi, soyons tous éclairés. Les choses de Dieu. Bitu ya Mungu. Soyons tous sérieux. Soyons sérieux. Ce que dit la parole, je ne négocie pas. Même si j'avais raison, j'essaie. Si tu connais Jésus, tu vas arrêter des répliques avec ton mari. Une seule réplique. Ça peut abréger tes jours. Il n'aurait pas kufupisha machiku yako. L'insoumission kukosa kuti. Peut abréger les jours. Il n'aurait pas usimamisha machiku yako. Combien de sœurs savent cela? Bada dangapi banayua ville. Amuyue? Ne le savez-vous pas? Amuyue? Vous ne le savez pas? Ça je vous pose en d'autres termes une autre question. Muna muna ingine mina biuliza ulizo ingine. Bongo tu kiloko bunaweza kufanya machiku yako na simama. Un simple mensonge peut faire à ce que tes jours sont écourtés. Bangapi va y avoir. Si nous était permis d'aller dans les séjours de mort, appelez Anania et Safira. Kuita Anania na Safira. Kuya utubir. Venez nous prêcher. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Barlandaka combien de ils avaient menti combien de fois? Mabongo ilikuwa kangapi? C'était combien de mensonges? Sasa wewe yako iko ngapi? Mais toi tu en as menti combien de fois? Eh tu as mangé la sainte. Anania Irlanda mabongo ngapi? Anania menti combien de fois? Simboy. C'était une seule fois. Na soumission na bongo moya. Na kukosa kutii les mensonges. C'est pas la même chose? Ya Anania na Safira? Pour Anania et Safira, bananguka. Ils sont tombés. Yako wewe? À toi? On a manqué du respect bwana yako. Tu as manqué du respect à ton mari. Qui peut être un élu. Où la naissance comme tu es Mungu. Tu as triste le Saint-Esprit. On a usumi sharom takatifu ndani yake. Je te laisse en vie pourquoi. Mungu anakuacha mzima juu yani. Pour que tu entendes. Ni juu upate kusikia hii na ugeuke. Sono. Voyez-vous? On devait mourir il y a longtemps. C'est par la grâce et de la Dieu. Bible dit, la Bible dit la patience de Dieu c'est votre salut. Dieu ne voulant pas que nous périssions nous donne encore du temps. Pourquoi chaque frère, chaque soeur arrive à la repentance. C'est la raison pour laquelle tout le monde est né à 59 ans. Dieu s'abat pour nous, tu n'as pas ce n'est pas pour avoir des diplômes et être plus jeune. Le souci de Dieu, que chaque soeur, dada, chaque frère, ndugu, arrive à la réponse. Et qu'il soit sauvé. Si vous avez, vous savez qui vous avez affaire. Tu vas arrêter toute la folie l'orgueil va t'arrêter. Tout ce qui emporte les gens dans l'âge de l'Odyssée. Toi, tu vas esquiver ça. Nous sommes dans l'âge où les gens seront emportés. Pas par la parole ou le Saint-Esprit. Ils sont emportés par quoi? Les séries télévisées. Les réseaux sociaux. Ma réseaux sociaux. Le tribalisme. Ubaguzi ya kikabila. La colère. Kasirani. Le business. Ma biashara. C'est ça la caractéristique de l'âge de l'Odyssée. Yo tabia ya kizazi la ville de l'Odyssée qui n'existe plus en ce jour. Muji la Odyssée ile aina kote la leo. Et une ville caractérisée. Ilikuwa ni muji ni kwa tabia. Par les activités commerciales. Na makazi ya kuchuruza. Les gens étaient occupés par le commerce, et les activités commerciales. Le résultat, c'était quoi? La ville n'existe plus. Mouji, Dieu a envoyé un séisme sur la ville. Mungu alileta utetemeko ya inchi, ça a disparu de la ville. Mouji na potea aina kote na paduni. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas. Sasa kama le même Dieu a-t-il changé? Eti, anabadilika? Apana? Il y aura aussi pour toi utakuwa tena nayo kwako. Un séisme spirituel. Utegizika kwa dunia kwa kiro. Utapotea. Tu vas disparaître. Utapotea. Tu disparaîtras. Utapotea. Tu disparaîtras. Quel est donc celui-ci? Uyu mutu ni mutu gani? A qui obéisse la mer? Ule, bahari na mpepo iko na muti. qui est celui-là? Ni mutu gani huyu? Ses propres adversaires baadui yake mwenyewe de la crainte baiko na boka ka ils savent que kwani wanajua kwamba nous avons affaire à Jésus-Christ huyu mutu ni Yesu Kristo tous recule bote wanarudi nyuma. Il y a eu un fou de Gadara. Kulikuwa mwenda mazimu moyo wa kugadara. Munajua imamu. Munajua mambo vile rifanika. Il y avait trop de démons. Kulikuwa na mademona ya mingi. Face à l'homme de Galilée. Bele ya mutu wa Galilaya. Il arrive. Anakuja. Il regarde le fou là. A mwangari ule mwenda mazimu. Le fou se tient à genoux. Mwenda mazimu wanakatuanga magoti. Qui l'a fait mise à genoux? Nani ula mutuangisha magoti? Des démons. Mademona. Inamwambia hapana baba. Attention ici, il faut arrêter la folie. A genoux toi. Pourquoi ma genoux? Moi je suis puissant. Non, ici non. Arrête. Majimu anshangala kuwa normal. Le fou est étonné, il devient normal. Qui a-t-il entre toi et moi? Ni mambo kani katikati ya kuwele na mie. Ce qu'il pensait faire. Mais anasikia sauti inatoka mkinwa ya. Il entend une voix sort de sa bouche. Nasema non, moi mes pensées. Mawazo yangu. Cet homme ici, je peux le cogner. Huyu mtu nasi kumpika ngumi. Pendant que lui pensait à ça. Wakati alikuwa na waza hivi. Une puissance le propossède. Mwezo moya inamshika. Et prend sa bouche au contraire. Na shika kinywa yake. Qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Nini, katikati ya kuwe na mi, we mwana wa Mungu. Mwana jimu anashanga. Le fou était étonné. Uki yana ni Mungu. C'est jeune homme, c'est un Dieu. Ah. Non. Bani achie ministre. On me laisse que je puisse le fracturer. Yasema la mouke kumagoti. Voulant se lever, mademoiselle en bloqué kumagoti. Les démons l'ont saisi jusqu'au genou. Anashke, ana pima si ma seme. Il a essayé de parler. Qui n'a qui libère la bouche là ne s'est pas ouvert. Par contre, dans son esprit là, il voit la scène, mais dans sa bouche, d'autres paroles sortent qui ne sont pas ses propres paroles. Les démons parlent. Ma démon est nasema. Autorise-nous, maître du ciel et de la terre, Bwana wa mbingu na dunia, que nous allions dans les cochons là. Twende ata mubale bangulube. C'est quoi ce fou-là était vraiment troublé, il ne savait pas comprendre. Laissez-moi saisir ce jeune homme. Il dit, attendez, nous allons t'expliquer après. C'est quoi? Il quoi nini? Préavis nénéa. Oh, wakati yawe nénéa. Il faut qu'on sorte de cet homme. Comme il vient de se rencontrer avec cet homme, demandons qu'on aille ailleurs. Autorise-nous. Si toi tu dis un mot, la chose s'accomplira. Na ile kitu tafanika. Autorise-nous à aller dans Uturusu, les bords. Twende mbanguruwe. Allez. Pale. Et moi c'est comme on s'est ah, si tu l'avais déjà dit bien avant. Tout à ta banguruwe. Ah, comptes-tu même les bords? Ce fou-là était surpris. Il redevient normal. Comment je suis sale? Bon sens. Akiri mzuri. Revenez. Ika murudria. Comment toi, Nam? Sir? Namna gani weda? Wendu. Depuis que tu as rencontré Christ. Tangia ulikutanishana na Christ. Ton bon sens. Akili yako mzuri. Ni kuchambula bantu. C'est insulter les gens. Ce n'est pas un bon sens. Aina akili mzuri. Ce n'est pas un bon sens. Aina akili mzuri. Regarde le fou de Gadara. Tazameni mwenda mazimu wa Gadara. La question est posée. Bariuliza. Vous êtes combien? Muku bangapi? Ah, tukuba mingi. Non, nous sommes très nombreux. Mais je sais pas combien ils étaient plus nombreux que ceux que toi tu as. Comment expliquer que ou t'as facilité à Dieu? Toi tu t'es rencontré avec Jésus. Courageux. On va même te baptiser. Au nom de Jésus. Comment les mêmes démons là qui étaient ici ont amené l'homme là à genoux et a demandé un déménagement sans délai? Mais toi, les démons, Mademona, ce n'est plus une résidence temporaire mais définitive. C'est comme ça que j'ai toujours été. Hein. Les démons sont définitivement logé chez ma toi. Demone na bakia lote ndani yako. Kama na seki tu siluria che ku Mukongo. Si je dis quelque chose moi je ne requille pas. C'est vrai tu ne requilles pas. Parce que ma demo ni a lote mwoyo wako. Les démons sont en toi définitivement dans ton cœur. Mon Christ, il est comme na monesha sauti ya Mungu anluriaka ku Mukongo. Un chrétien lui, lorsqu'on lui présente la parole de Dieu, il requille. Quel est donc celui-ci? Uyu ni mutu gani uyu? Les démons se mettent à genoux. Ma démon n'a qu'on a tonga ma voix de mère. L'homme la parle. Parle à une moto à ce sont les démons qui ont parlé. Ni ma démon Dieu c'est ma pas fasse yak. Mais c'est toi. Ça c'est quoi que vous voyez? Les choses ont changé. Bitu bina badirika. À mon avis, le Christ ne voit bon. Ne voyez-vous pas que ce christianisme n'est rien faux? C'est juste une témérité. Voyez-vous, nous avons l'habitude de chanter. Si tu connais ce Jésus en qui nous croyons, si nous le connaissons, qu'est-ce que Satan fera? Nous chantons Satan. On est-ce que vous êtes Mbaka? Si nous entendons ces cantiques, les gens vont se trémousser et sauter. Si tu connais ce Jésus en qui tu crois, Satan ne se jouera plus de toi. Mais comment Satan se joue de nous? Toi, la femme mariée, la nuit, tu fouilles la chambre vers les salons. Mais si tu connais ce Jésus en qui tu crois, Satan ne va plus se jouer de toi. Mais les voilà se jouer de toi. Comment est-ce que tu as su c'est la preuve que tu ne connais pas encore ce Jésus. Tu ne le connais pas. Frère, Ndoukou, on n'a plus le temps. Il y a eu des rois dans ce monde. Après une expérience devant Dieu, donne-moi un papier, un bic. Que veux-tu écrire? Montre-nous ce que tu veux écrire. Donne-moi un papier, un stylo. Daniel 2. Daniel Surak et Apili. Prenez Daniel 6. Tu vois Daniel sura que asita. Le roi Darius. Mufalme Darius. Voyant ce qui arrive avec Daniel. Mukona bile biri mufikia Daniel. Il prend un papier en bic. Akachugua kartasi. Ordonnance loi numéro ordonnance loi numéro tek. Vu la constitution. Kufuatana na sheria yetu. Vu ceci cela. Flani, kufuatana na difu. J'ordonne. Daniel 6, verset 26. Daniel 6, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Bapate kongo pasana mungu wa Danieli. Ordonnance loi. Une sharia. Mangaribi ku télévision banenda ku isomo. Le soir à la télé, on va les promulguer. Par l'attaché de presse de la présidence. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Verset 27. C'est lui, ni yeye ule, qui délivre ule kona komboa, et qui sauve. Na kuokola. Ordonnance loi. Ni sheria minandika. Si nous allons aujourd'hui dans des archives en Irak, vous allez trouver ça. Darius, l'ordonnance du roi Darius à ce sujet-là. On va chercher dans des rouleaux et on va les trouver. Les voici. Darius a déclaré ainsi. Un païen. Mou pagano. Bantu bote bakwe na boka na ishima sana na mungu. Que tout le monde ait la crainte et la révérence devant le seul Dieu, Jéhovah. Ouais, on a souvent que Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Toi qui dis que Jéhovah, c'est lui Jésus-Christ. C'est correct. Nisawa. Qu'on ait de la crainte. Tu pas te koumongopa. Vis-à-vis de ce Dieu-là. Bele ou le mungu, le tout. Et craindre Dieu. Na kongopa mungu. C'est obéir à ses commandements. Nikuti amuriake. Craindre Dieu, ce n'est pas être là gentil. Saluer les gens avec la gentillesse que Dieu vous bénisse. La crainte de Dieu, c'est faire ce que Dieu exige. Si vous ne le faites pas, kama vile, vous n'avez pas la crainte de Jéhovah. Vous êtes un aventurier. Ce roi païen a dit, le Dieu là qui délivre les gens, c'est celui qui sauve les gens, c'est le Dieu de Daniel. Le salut, c'est sortir quelqu'un de l'état où il est, dans le trou là où il était, et l'amener en liberté dehors. Là où il était prisonnier, et le sortir dehors. L'heure est déjà. Wakatisha enea. Nous allons nous arrêter par ici. Et alors? La question est à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Certes, t'es-tu déjà rencontré avec Jésus? C'est Jésus-là qui sauve les gens, qui sort les gens de la prison. Les langages changent, les caractères changent. C'est Dieu-là qui délivre. Lorsqu'il se rencontre avec quelqu'un, même ta bouche va commencer à les contrôler. Ton esprit va les contrôler. C'est celui avec qui tu t'es rencontré. Pardon? Même comme tu as été te faire baptiser. C'est le Dieu de la Bible. Et tu n'es pas en Biblia. C'est lui. Et tu n'es pas. Vous avez été consacré au mariage. Barikutolea mdoa. Dans le message soi-disant. Mujumbe, vous vivez selon les recommandations du Dieu de la Bible. Et tu kunaishi kufatana na gizo ya Mungu wa Biblia. Le Dieu de la Bible a-t-il la première place? Et Mungu wa Biblia anachukua fasi ya kwanza? Celui que vous honorez dans votre langage? Et ndio ule kuneshimu? Dans votre conduite yako, Mungu jongo sana. Dans votre maison? Mu nyumba yako? S'il n'en est pas. Kama haina vile. Kata ndio. Unachunga nini? La question est à vous aujourd'hui. Ulizo ni yako leo. Et maintenant vous étiez venu à la Sainte Cène pourquoi? Sasa juu ya nini ulikuwa kumeza ya Bwana? Anani avait mangé aussi la Sainte Cène. Anani anaye alikulaka kumeza ya Bwana. Parce que là-bas, c'était régulier. Du coup, le barquana ekula kila siku. Monsieur Muleta Micho. Mais ça lui a apporté des ennuis. Après Sainte Cène. Kisha meza ya Bwana. Anakuwa kulanda. Il est venu matin. Est-il là encore aujourd'hui? Aujourd'hui, si on réveillait Anania, pourquoi tu avais mangé la Sainte Cène? Mais toi, tu savais que tu es encore menteur. Pourquoi as-tu mangé la Sainte Cène? Mais toi, tu sais que tu ne marches pas correctement. Pourquoi tu es venu manger à la Sainte Cène? Oh, je l'aime. Tout à chemin. Nous allons tenir oui, debout. Je l'aime. Nous allons prier tous ensemble.